Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le complexe minier de Komdok. Il a encouragé les ouvriers en faisant le tour du chantier d'enrichissement numéro 3 de l'équipe de travail Hero Koyongchan de la galerie 5 avril de la mine de Kumkol, du chantier de production de traverses et d'autres endroits. À la réunion des cadres du domaine concerné convoqués sur place, on a insisté sur l'importance de la position qu'occupent les mines, usines et entreprises des districts de Dancheon et de Komdo dans le développement de l'économie nationale et l'amélioration de la vie de la population et de leurs tâches. On a délibéré sur des problèmes pour produire et fournir à temps les équipements, matériaux et matières premières. Précédemment, le Premier ministre a parcouru le processus de production des briques réfractaires en cours d'installation à la mine héroïne de la jeunesse de Taehong avant de souligner de hâter les travaux.